J'ai quitté mon boulot, à cheval sur un chamallow. Il me pousse des ailes dans le dos, je t'enverrai ma photo. Je croise la bulle sur la lune, je m'y dors la pilule. Me prends pour une libellule, m'empourlèche les mandibules. Pas fumé la moquette, j'ai pas perdu la tête. Juste envie de faire la fête, durer à tue-tête. Sortir la tête de l'eau, prendre l'air à mon cerveau. Plus de conciliabule, je reste dans ma bulle. Les rêves ici pullulent, j'irai jusqu'à Pamplune. Juste un matelas de rien, même pas froid, même pas faim. Le monde entre les mains, j'invente mon chemin. Pas fumé la moquette, je n'ai pas perdu la tête. Juste envie de faire la fête, durer à tue-tête. Sortir la tête de l'eau, prendre l'air à mon cerveau. J'ai repeint mon jardin de rose et de jasmin. J'ai bu entre tes seins du miel et puis du vin. Je fais la nique à la mort, je voyagerai encore au cours de ton corps, de l'eau jusqu'à l'aurore. Pas fumé la moquette, je n'ai pas perdu la tête. Juste envie de faire la fête, durer à tue-tête. Sortir la tête de l'eau, prendre l'air à mon cerveau. C'est une chanson foutoir, à manger et à boire, à déguster le soir, très loin de nos déboires. C'est sur un marquetage, j'ai quitté les parages. Je n'ai plus vraiment d'âge, je me dépaysage. Pas fumé la moquette, je n'ai pas perdu la tête. Juste envie de faire la fête, durer à tue-tête. Sortir la tête de l'eau, prendre l'air à mon cerveau. Fumer la moquette, je n'ai pas perdu la tête. Juste envie de faire la fête, durer à tue-tête. Sortir la tête de l'eau, prendre l'air à mon cerveau.